J'ai vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Il allait vers toi dans la cheminée. Il allait vers toi pour y déposer tes jouets dans ton bas ce soir. Crois-moi, tu devras dormir sans te faire aucun souci. Même si tu n'as pas envie, tu devras rester au lit. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Quand viendra le jour, tu te lèveras et tour à tour tu ouvriras les beaux cadeaux que tu verras. Tu vas t'amuser, tu vas rigoler, mais il ne faudrait surtout pas oublier d'être sage toute l'année, d'être sage toute l'année. Car Père Noël arrive ce soir.